og mikroskop. Voici une abeille. Tu peux voir ses pattes. Mais regarde l'abeille au microscope. Tu peux voir des poils sur ses pattes. Voici une mouche. Tu peux voir deux yeux. Mais regarde la mouche au microscope. Tu peux voir plusieurs yeux. Regarde cette patte de mouche au microscope. Tu peux voir des crochets sur la patte. Ces crochets permettent à la mouche de marcher la tête en bas. Voici une araignée. Tu peux voir deux yeux. Mais regarde l'araignée au microscope. Tu peux voir plusieurs yeux. L'araignée tisse une toile. Tu ne peux pas voir d'où sort son fil, mais regarde l'araignée au microscope. Quand tu regardes ce papillon, tu peux voir ses pattes, ses ailes, son corps, ses antennes. Quand tu regardes le papillon au microscope, tu peux voir sa langue.